êtes, c'est fou. Oh, Coconut Oil. C'est comme un autre. Yes. Assemblage requis. Myriam Fugère nous parle de n'importe quoi dans sa chronique aléatoire. Et on parle finance avec Yann Martel. C'est assemblage requis, ça commence à l'instant. Comme du café instant. C'est pas ça. Bon matin et bienvenue à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières ce mercredi 19 octobre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante. Bonjour, François-Olivier. Je fais mes exercices de bouche. Bonjour. Ça va? Ça va, toi? Oui, très bien, merci. Bon, parle-moi de ça. Ah, ouais, ben, ça va bien, ça va correct. Ça va juste correct. Tu veux que je t'en parle? Ouais. Tu veux des détails? Ouais. Ça va bien. Pourquoi ça va bien? Ben, parce que la vie est belle. Je me suis pas du tout levé du mauvais pied et gaffé comme sur 3000 affaires à matin. Non? Ou c'est sarcastique? J'ai pas du tout échappé le plat de margarine, mon fil d'ordinateur sur le mur, réveillé ma blonde trois fois. Attends un peu, le fil d'ordinateur sur le mur. Ouais, hein. Sans faire exprès, c'est parce que je branche mon ordinateur sur la TV, tu sais. Puis là, j'ai débranché mon fil pour le mettre dans mon sac, ouais. Ça a comme fait pow sur le mur. Ah, t'as le power supply, là, ouais. La petite boîte là qui va dans le mur. Là. Ouais. Uh-huh. Beau matin, tu sais. Beau matin, un ouais. Matin comme on les aime. Comme le sien, hein. Ouais, en fait, j'ai oublié ma vignette dans mon autre auto. Ouais. T'avais un examen. Parce qu'hier, j'avais un examen, c'est ça exactement. Et là, sincèrement, même si ça n'a pas été si bien que ça, je suis quand même soulagé aujourd'hui de pas penser à ça. Tu sais, ouais. dans le sens où il est fait. Il arrivera ce qui arrivera. Même si je passe la journée à y penser, j'aurai pas de meilleure note. Au pire, tu le reprends l'année prochaine. Non. Ouais, je t'avoue que j'ai pas super le goût de le reprendre. Mais... Ce qui est dommage, c'est qu'il donne la note juste après l'examen et après la semaine de relâche. Donc, tu vas avoir toute la semaine de relâche pour passer à ta note. Ouais. Mais la semaine prochaine, je vais aller voir là, quand même là, sur le portail. Ouais. Des fois que Ouais, c'est ça. Ouais. On va voir. Bonne chance, c'est fait. Fini les examens pour moi. Bon. Pour toujours? Ben non, pour toujours. En fait, pour cette session aussi, j'ai un travail à remettre avec un oral, mais les examens écrits, c'est fini. Yes! Yes, sir! Yes. Une affaire de fait. Bonne affaire. Parlons de l'émission d'aujourd'hui, François. Vas-y, Mathieu. Oui, on a à 8h notre amie Myriam Fugère et sa chronique aléatoire. Elle nous amène à chaque semaine un sujet là, des moins rapports avec celui d'avant, le genre. Là, elle ne parle pas d'Halloween, là, ce coup-là. Non, mais c'était le fun, ça, par contre. Ouais, c'était le fun. Une très bonne chronique, ça. On va sûrement avoir autant de plaisir avec elle cette semaine qu'à la semaine passée. Exactement, et on va parler finance avec Yann Martel du service aux étudiants. Bon oblique aide financière. Un bon Jack! Yes sir, à 8h30. Il est fin! Il est très fin. Ah, carrément. On l'aime. Ouais. Aussi dans l'émission d'aujourd'hui, une chronique CNX avec les nouvelles geeks de la journée précédente. Et puis, c'est un fait. Hein? C'est un fait avec un A et un F. Avec un U? T'as-tu ça? Non, un I. Un I? Le faux. Les Français disent un au lieu de un. Un I. Ouais. Ça fait un angle. Ça ressemble à ça des Français. Oh! Ah, oh, c'est une blague! Juge pas! C'est une blague! T'as pas le droit. Ah, dis la même affaire de nous autres, c'est bien. Ouais, c'est ça. Donc, tout ça et plus dans l'émission d'aujourd'hui d'Assemblage Rocky. On commence en musique avec quelque chose de relax quand même pour bien commencer la journée. Tu sais, relaxer un petit peu. La bonne petite musique! La bonne petite musique. Pas monogrenade ce matin. Mais oui! Un monogrenade? Ah, grâce ça! Ouais. À côté. Yeah. Lovely Feathers avec la pièce Louisa. J'aime ça. Ah, j'aime okay, ça. Bon. Mais ça finit raide. Ouais. Ça finit bam. C'est fini. T'aimes ça finir de même? Non, mais j'aimerais ça. On dirait que cette pièce-là pourrait continuer. Un petit câlin, cuillère un peu. Beaucoup plus longtemps. Là, je fais abstraction des niaiseries que tu dis. Ouais, tu fais bien. Voici la collection Enix. Hein. On commence aujourd'hui dans la chronique Cénix avec Twitter, François. Oh ouais. Twitter. On va tweeter un matin. On va gazouiller, comme ils disent. Ah. En français, ouais. Le site de microblog Twitter a connu une croissance exceptionnelle au cours des derniers mois et enregistre maintenant 250 milliards de messages chaque jour, François. En comparaison, 100 millions de gazouillis étaient envoyés chaque jour au début de l'année. En conférence à San Francisco lundi, le PDG de l'entreprise, Dick Costello, a en outre affirmé que le réseau social est évalué à 8 milliards de dollars. Selon le PDG, ce nombre de gazouillis devrait permettre à chaque utilisateur de trouver son compte sur le réseau. Et je cite, « Nous devons comprendre comment gérer ce volume et en même temps séparer le signal du bruit », a-t-il déclaré dans le cadre de la conférence Web 2.0. C'est bien dit. Ben, tout à fait. L'intégration de Twitter dans la plus récente version du système iOS 5 d'Apple, donc ça, c'est le nouveau système du nouvel iPhone et qu'on peut avoir sur l'ancien iPhone, l'ancien iPad, etc. Donc, Twitter est intégré dans le système maintenant, donc c'est beaucoup plus facile de tweeter. Ça fait que les gens l'utilisent plus, ça fait que ça n'arrête pas de monter. 250 millions de gazouillis par jour, c'est incroyable. Mais est-ce que ça a plafonné, tu penses? C'est quoi le prochain, là, Mathieu Plante? On va te servir un peu de tes connaissances pour une fois. Mais... non, mais c'est quoi le prochain hit de l'Internet? L'affaire que tout le monde va aimer. Ouais. Dur à dire. Hein. Ça arrive à n'importe qui, n'importe comment. On dirait que c'est ceux qui ont peut-être le plus de backers, d'argent derrière eux qui vont marcher, je sais pas. Peut-être que c'est un service qui n'existe pas encore, peut-être qu'il existe déjà, mais que pour l'instant, il marche pas tant que ça, comme mettons Google+, mais tu sais, peut-être pas aussi. OK. Mais toi, quand t'as vu Facebook au début, est-ce que tu savais que c'était... Ben, pas au début, parce que Facebook, au départ, c'était vraiment seulement pour les gens dans des universités. C'était vraiment plus fermé que ça. À un moment donné, ça a fini par s'ouvrir à tout le monde. Et puis là, tout le monde a décidé de s'inscrire à ça. C'est une bonne question. Puis Twitter? Je pense que Facebook, ça paraissait plus. Twitter, je pense que... Moi, je m'en sers pas. Non, c'est Twitter. Ça. Tout le monde dit qu'ils s'en servent pas. Mais, tu sais, je connais du monde qui aimait pas Facebook au début. Tu sais, quand ça a commencé à être populaire, qui disait que ça servait à rien. Puis 6 mois plus tard, il était dessus à tous les jours, à toutes les heures de la journée. Là, Twitter, même chose. Tu sais, là, 6 mois, le monde disait ça sert à rien, je m'en servirai jamais. Puis là, en ce moment, j'ai le même monde qui sont dessus tout le temps. Ou, tu sais... Faut du cross-posting, poste sur Facebook, les choses qui deviennent. Aussitôt que tu postes sur Facebook, ça va se poster sur Twitter, et le contraire aussi. C'est parce que tu peux ça, comme c'est les avancer. Pour avoir un plus grand public, j'imagine. Ok. Tu te fais voir par deux fois plus de monde, peut-être. Ben, peut-être même plus. Mais tu sais, en fait, si, exemple, t'es mon ami sur Facebook, tu vas être mon ami sur Twitter, non? Ben oui, mais justement, ça cause de la confusion puis de la redondance en masse. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu finis par dire bon, ben est-ce qu'il poste du contenu plus intéressant sur Facebook ou sur Twitter? Tu suis sur seulement une des deux places. Ben c'est qu'au moins, t'offres l'opportunité à ceux qui suivent plus Twitter de te suivre sur Twitter puis ceux qui suivent plus Facebook. Ah, on va voir, j'ai hâte de voir le prochain. Tu sais, MySpace était très très gros il y a quelques années Avant mais ça, c'est plus rien. Non, c'est plus rien du tout. Puis Friendster avant ça, avant Facebook, tout le monde aux États-Unis. Non, peut-être moins au Québec, mais aux États-Unis, Friendster, c'était une grosse affaire. Hein. Ok, ça c'est un peu le même principe, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps du social. Du social! Social! C'est ça l'affaire. Ça va être un autre nom à un moment donné que Twitter, mais ça va être le même principe. T'sais, à un moment donné, des images, des vidéos, puis du chat, non, c'est ça revient toujours au même. Non, c'est ça, tu peux pas amener. Tu peux pas faire autre chose non plus. Mais tu sais, le principe de Twitter est bien que c'est plus rapide, puis rapide? Ça se lit bien, tu vois. C'est quoi, 140 caractères, c'est ça, maximum? Donc, c'est sûr que t'auras pas des choses qui sont trop longues pour rien, alors que sur Facebook... Ça, t'as pas de vidéo non plus, Ben, tu peux avoir des liens vers des vidéos, comme tu peux avoir des liens vers des photos, et puis avec la nouvelle interface... Ben, la nouvelle, ça commence à faire un maudit bout, mais sur l'interface la plus récente de Twitter, tu peux voir les photos et les vidéos directement dans l'interface, à la place d'avoir à les ouvrir dans une autre fenêtre. Donc ça, c'est bien. Mais c'est ça, donc c'est plus rapide, puis t'as pas de tout le temps de mise à jour de jeux, puis de niaiseries, venez vous inscrire à mes affaires, là, t'sais, sur Facebook, c'est tout le temps du spam, là. On dirait que t'as juste ça. Ouais. Faut que tu filtres vraiment beaucoup pour réussir à trouver les bonnes affaires à lire. En tout cas. Ah. Mais bon, 250 millions de tweets par jour. Ouais, c'est énorme. Sérieux, c'est surprenant aussi. Ça marche plus qu'on le pense. On dirait que, t'sais, qu'on se dit que ça marche pas tant que ça, même au Québec. Parce que, ben, moi, personnellement, parce que, je le répète, là, je m'en sers pas. Non, ben moi non plus. Je m'en sers pas. J'en ai un. Est-ce que t'en as un ou moins? Non. Je m'en ai un puis j'y vais pas. Je pense que j'ai jamais même vu de quoi ça va de là. Ben peut-être, là, en fait, là, tu sais, à TV, il parle de Twitter. Ben, le monde, ça cherche une façon de perdre leur temps. Ouais. Au travail, ça passe le temps, mettons. Ouais. J'imagine. Je saurais pas de quoi je parle, mais j'imagine très bien. Ouais, je te watch, toi, là. C'est ça, c'est ça. Parlons de YouTube maintenant, toujours dans le un petit peu social quand même. YouTube qui vend des t-shirts et de la musique, François. Il lance le Merch Store. Google espère que cette nouvelle plateforme de vente aidera les musiciens à vendre des morceaux, des places de concert, des t-shirts, des autocollants, des affiches aux 800 millions d'internautes qui regardent chaque mois des vidéos sur YouTube. C'est aussi au travail, hein? Dans un billet du blog YouTube du 16 octobre, Google explique que le service Merch Store s'articulera autour de multiples partenariats. Top Spin va prendre en charge les produits dérivés, Soundkick, la billetterie et iTunes et Amazon, le téléchargement de morceaux et d'albums. Les groupes et les artistes vont pouvoir trouver là une source supplémentaire de revenus rattachée directement à l'un des sites les plus où ils publient leur musique. Voilà. Merch Store sera déployé dans le monde entier au cours des semaines à venir. Bonne idée quand même. Ouais. Pour la musique. On va voir. Prochaine, tu me demandais le futur des médias sociaux et c'est très très dur à déterminer, mais le futur de la télé, on a peut-être une réponse à ça. Okay. Après la haute définition, la Full HD, la 3D, il semblerait bien que la prochaine tendance incontournable du segment télévisuel soit l'ultra haute définition, la UHD TV. Okay. C'est la promesse d'une qualité d'image jamais vue, très supérieure à ce qu'on offre actuellement en haute définition. La UHD TV, également connue sous le nom de Ultra HD TV ou encore Super High Vision 4320p et 8K, permet une définition maximale 16 fois supérieure au format HD. Ce système ne sera pas lancé tout de suite, mais l'Union internationale des télécommunications a annoncé le 14 octobre que les membres du groupe d'études du secteur des radiocommunications, la UITRE, groupe 6, ils avaient abouti à un accord portant sur la plupart des caractéristiques techniques pertinentes de ce nouveau format de télé. Des essais sont en cours en ce moment. Le dernier en date a été effectué par la chaîne nationale japonaise NHK en septembre. Lors de cette démonstration, a été présenté un écran capable d'afficher 33 millions de pixels contre 2 millions pour les meilleurs écrans HD d'aujourd'hui. Cette technologie sera utilisée dans un avenir proche pour enregistrer et projeter en salle certaines épreuves des Jeux olympiques de Londres. Ah ouais, OK, ils vont faire des tests comme ça. Exactement. Les contraintes technologiques existantes et l'absence de films tournés en ultra haute définition expliquent que les téléviseurs compatibles ne devraient pas entrer sur le marché avant 2016 au plus tôt. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, par contre, Toshiba va sortir en décembre au Japon la REXA 55X3 ou la ZL2 en Europe, une énorme télévision 3D auto-stéréoscopique compatible Quad Full HD. Un écran de 55 pouces avec une résolution de 3840 par 2160 pixels, c'est 4 fois celle de la Full HD qu'on a en ce moment. Wow. C'est malade, mais en même temps, là, ça donne rien. Non, c'est ça. Ça va pas plus haut que c'est quoi le Blu-ray maintenant qui est vraiment le top? Je pense que c'est plus que le Blu-ray. Ça le précise pas dans l'article, mais ça m'a l'air plus que ça. Non, mais qu'on peut avoir, mettons, avec nos appareils, mettons, loin des films. Parce que même quand tu reçois du HD chez vous, c'est pas du Blu-ray. Ben, c'est compressé tout le temps. C'est compressé, ouais, c'est ça. C'est ça que quand t'arrives, tu achètes une télé HD, puis tu te branches en HD, puis t'as une image avec ça doit valoir une petite fortune. Je sais pas combien, mais on peut s'attendre à plusieurs fortunes. L'équivalent de plusieurs fortunes. Ou une année de travail au complet. Ouais, c'est ça, dépend de la job que t'as. Ouais. Les boutiques Apple vont être fermées pendant 3 heures aujourd'hui en hommage à Steve Jobs. Et oui, vous avez bien compris, depuis la mort de Steve Jobs il y a genre 2 semaines, on a parlé de Steve Jobs à tous les jours dans la chronique CNX. Pourquoi? Parce que le monde veut étirer le sujet le plus possible pour lui rendre hommage. C'est bien, mais j'aimerais finir avec ce sujet. Parce que c'est un petit peu déprimant. Terminé. Dernier article, on va quand même le lire. Les boutiques du fabricant américain d'électronique Apple vont être fermées aujourd'hui pendant 3 heures afin de permettre aux employés de suivre sur Internet une cérémonie à la mémoire du légendaire cofondateur du groupe Steve Jobs, mort le 5 octobre. 5 octobre, ça veut dire que ça fait 14 jours. 2 semaines, exactement. Donc, ils vont regarder le stream. Ben, c'est un peu ça que ça veut dire. Je pense que ça fait le tour de l'article. Ils vont être en magasin puis ils vont regarder un stream Internet pendant que les gens vont attendre dehors pour acheter leurs produits plus tard. C'est un genre de chose. Hein? No. Voilà une promesse qui ferait plaisir à bien des personnes, c'est de recharger son téléphone en 10 minutes, François. En 10 minutes. Chrono. Docomo a présenté un prototype de batterie pour téléphone intelligent qui se recharge en 10 minutes seulement. En fait, pour arriver à ces résultats, Docomo envoie dans sa batterie 10 fois plus de courant que celui requis par les modèles actuels. L'entreprise a utilisé une anode en oxyde de titane-lithium qui peut supporter une plus grande intensité de courant. Le prototype de batterie utilisé par Docomo en démonstration est une unité externe qui se branche sur le téléphone intelligent. Donc, c'est un espèce de genre de socle, que tu mets ton téléphone à l'intérieur. La batterie ne peut pas utiliser le port USB à cause de sa trop grande demande en énergie. Ah! Intéressant. L'utilisateur qui a oublié de recharger son téléphone ou qui l'a un petit peu trop utilisé en pleine journée pourra donc le faire dans n'importe quel endroit, le recharger, et ce très rapidement. S'il reste que 10% de la batterie, il faudra donc 4 minutes pour recharger le téléphone à 50%. C'est bien. Je sais pas, l'histoire ne le dit pas non plus si c'est bon pour la batterie, mais... Ah, exactement. Très bon point. Il y a toujours un petit mais à la fin. Par contre, le problème, c'est qu'en raison des matières utilisées par cet appareil-là, le procédé pourra pas être, ne devrait pas être commercialisé au grand public avant plusieurs années. Mais ça s'en vient. Ce serait bien, hein? Ouais. Ce serait vraiment très bien. Quelque chose avec une petite manivelle que tu pourrais... Il existe des radios comme ça. Ah oui? Ouais. Ah, je sais pas. Un inventeur italien, Matteo Suzzi, a mis au point un robot pianiste, le Teotronico 010, dont la particularité est de pouvoir jouer avec 19 doigts. Pourquoi 19 doigts? Pourquoi 19 et pas 20, c'est ça que tu veux savoir? Hein? Ben oui. Selon Suzzi, il s'agit du nombre parfait pour couvrir le clavier et y jouer une mélodie ou une chanson. Donc, mettre au point Teotronico 010 a coûté environ 5 000 $ et a nécessité 4 années de travail. Il fait beaucoup plus que jouer du piano. Il chante et il possède la reconnaissance vocale. J'ai pas ouvert le lien sur l'ordinateur, hein? Ça aurait été bien de pouvoir entendre ça. Alors, je m'y rends. Passons, on va parler de la PlayStation Vita qui va être lancée officiellement le 22 février. Tu sais, c'est la nouvelle version de la PSP, la console portable de Sony. De Sony, ouais. Tu te rappelles bien, la petite console, là. Mmh. Donc, ils ont annoncé que ça va être lancé le 22 février 2012 en Amérique du Nord. Ça inclut le Canada. La compagnie a précisé que ce sera aussi la date de lancement en Europe, en Australie et en Amérique latine. Son prix de vente va être de 250 $ pour la version Wi-Fi et 300 $ pour la version connectée Internet via AT&T aux États-Unis. On ne sait pas encore quels jeux vont être offerts le premier jour, malheureusement. Et me voilà prêt avec l'extrait du robot qui joue du piano, qu'on va entendre à l'instant. Théo Tronica est son nom. Il fait des mouvements de sourcils. Ah ouais? Oui. Il est bon, le gars. Il se trompe pas souvent. Je vois difficilement comment il se tromperait. S'il se trompait, je serais vraiment déçu par le programmeur. Du programmeur, c'est comme « Nay! » Là, c'est quoi la fin? C'est super, super. Parlons de nouveaux produits. On parlait il y a quelques secondes de la PS Vita. Le deuxième stick, tu sais que la Nintendo 3DS, elle n'a qu'un seul joystick à la gauche de la console. Joystick, okay. C'est le petit bâtonnet là, de contrôle. Et puis, y avait un gadget qui avait été annoncé il y a quelques mois qui allait être comme un genre de socle pour la 3DS. Donc, ça allait le mettre dedans. Et ça allait ajouter une genre de surface de plastique tout le tour et un deuxième joystick à droite pour jouer à des shooters, par exemple, pour contrôler la caméra, etc. Donc, ça, c'est programmé pour début 2012. Second stick qui a été dévoilé au Tokyo Game Show devrait être disponible début 2012 aux États-Unis au tarif d'une $15. L'accessoire est destiné à accompagner la sortie le 7 février sur le sol américain de Resident Evil Revelations, l'un des jeux destinés à justifier son existence et, espérons-le, pas le seul jeu. Ouais, c'est ça. Hein? Tu vois, c'est ça qui arrive. Oui, comme les tam-tam de Donkey Kong Go, n'importe quoi, t'achètes ça. Ça, c'est juste pour Donkey Kong? Ben oui. Ouais. Ben, puis Donkey Kong Jungle Beat, il y a comme 2 ou 3 jeux en tout, mais c'est tout du Donkey Kong. Comme à un moment donné, si t'achètes un gadget, tu veux l'avoir pour plusieurs jeux. Ok, t'as raison. T'es d'accord là-dessus. Oui. Ouais. Donc voilà pour cette nouvelle-là et on va terminer avec pourquoi pas le top des ventes aux États-Unis rapidement. Pourquoi pas. Côté console, 438 000 Xbox 360 ont été vendus. C'est une baisse de 9,5%. En deuxième, c'est la PlayStation 3 avec 370 000. Ça c'est plus 18. Nintendo 3DS 260 000, Wii 240 000, ce qui est une chute de 5,5, et la Nintendo DS est à 145 000 en septembre, donc moins 64. En un mois? C'est pendant le mois de septembre, aux États-Unis seulement. Quand même. Par rapport à l'an dernier, les ventes globales sont en baisse de 6%, mais c'est pas catastrophique, nous dit-on. Ça, c'est selon la firme NPD. Côté jeux, on va y aller en rafale pour les jeux les plus populaires. 2,3 millions pour Madden NFL 12. Ensuite, Gears of War 3, Dead Island, FIFA Soccer 12, NHL 12, Deus Ex Human Revolution, Resistance 3, Lego Star Wars 3 de Clone Wars, Call of Duty Black Ops et Warhammer qui se battent pour être dans le pas mal top 10, à peu près. Hein? À peu près 10, ouais. 10. Ouais. Voilà. C'est tout pour la collection CNX. On va se quitter avec un petit peu de chiptune, évidemment. De musique, de jeux vidéo. Ton moment préféré. On va l'entendre l'artiste Wave avec Thunder Sphere. Vous pouvez aller voir leur page Facebook en passant par assemblagerequis.com. C'est la pièce-titre de leur futur spectacle The Recollector. Et puis ça, vous pouvez aller voir des extraits vidéo aussi sur l'article sur assemblagerequis.com. Alors, on les écoute avec Thunder Sphere Wave au 89.1 FM. C'est fou! semaine assez fou pour l'écouter. 89.1. L'émission construite à partir de matériaux de qualité, Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. La pièce Camouflard de Galaxy sur l'album Tigre et Diesel. Assez fou. Assez fou. Assemblage requis. Avec Mathieu Plante. Et François-Louis Marchand. Oui. François. Mathieu Plante. Quand je te regarde, là. Ouais. Je te regarde, là, ouais. Comme toujours, là, ouais. Hein, là. Ça passe. C'est chouing! et je me dis, François, tu sais, on arrive à l'université ici, puis il y a tout le temps de quoi, maintenant? Il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite de mettre pas un joueur. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il est trop tôt. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite de mettre pas un joueur. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Oui, merci, choriste. Il y a tout le temps de quoi, c'est bien vrai, cher choriste, les requins, amis, à vous, à la maison. On entre à l'université ce matin, je remarque encore une fois, comme à tous les jours, une pancarte qui dit, tu sais, l'université sans fumée, tu sais, l'université sans fumée. J'ai marqué ça, c'est la pancarte. Ouais. Là, il y a quelqu'un, là, sûrement peut-être 10 ans, maintenant. Ça fait longtemps. Ça fait un maudit bout. Qui a écrit, il a comme fait un barbeau sur le sang, puis il a marqué en fumée. Premièrement, tu sais, bravo, l'originalité et le gag est tout à fait cocasse. Mais écoute, peut-être que dans le temps, c'était un des premiers. Un des premiers à penser à une université enfumée. Ouais. Ah! Ah! Oh! Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. Peut-être, on sait pas, ça fait tellement longtemps. Mais ensuite, je me suis dit, mais comment ça se fait que ça fait aussi longtemps et comment ça se fait que la pancarte est encore là, tu sais? Je sais pas. Ça, par exemple, il pourrait l'enlever. Là. Ben là, à un moment donné, au pire, ouais. Tu l'enlèves, tu mets un collant là, t'sais, de choses là, t'sais, comme à la chasse, là, les collants de cigarettes, les petites pancartes. Là, dans le studio, on en a une petite pancarte, si je me rappelle bien. Ben oui, ouais. Interdit de fumer. Ouais. C'est une petite cigarette avec un rond rouge, là, t'sais, avec une barre dedans. Là. C'est comme ça fait à job. Hein? Parce qu'à la place de faire rire de toi avec une université enfumée, quand tu rentres dans le pavillon de Rébauchemin, c'est pas parce qu'on va ça le détruire. Ou le... Non, ça fait pas sérieux. Ça fait c'est n'importe quoi. Et puis toutes les pancartes qu'on change, ça a l'air fou comme ça, tu sais. À part quand c'est bien fait. C'est comme, mettons, ici à l'université, il y avait malencontreusement, à un moment donné, écrit quelque chose sur les pancartes pour les stationnements. Puis là, ça a fait chialer les gens, tu te rappelles? Ouais. Ils ont changé d'idée. T'sais? Ils ont décidé d'aller mettre un petit carton, un genre de petit genre de plastique, d'aller le visser sur la pancarte pour enlever une des lignes là, que finalement, ils ont décidé de changer. Je sais pas si c'était genre, il n'y a plus de limite d'heure au nombre d'heures que tu pouvais aller dans le stationnement, quelque chose du genre. Peu importe ce que c'était, mais bon. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait sur la mauvaise ligne, tu sais. Fait qu'ils ont dévissé la pancarte, ils l'ont mis ailleurs, ils l'ont revissé, les traces de vis anciennes restent là. Ça a l'air fou, mais c'est bien fait relativement, tu sais. Vu de loin, tu sais pas trop, t'es correct, tu t'en fais pas avec ça, t'sais. Ah ouais. Alors qu'il y a d'autres pancartes dans sur le campus université, c'est des gros, gros morceaux de plastique sur des grosses, grosses lignes parce que c'était écrit gigantesque. Ça paraît un peu plus, mais c'est bien fait. Là, quand t'arrives, mettons, à Montréal ou à Québec, il y a des villes qui ont changé de nom avec le temps, tu sais. Fait qu'ils vont arriver, ils vont remplacer, ils vont rajouter un petit peu de vert sur la pancarte, puis ça paraîtra relativement pas, mais en même temps, quand ta lumière de voiture frappe dessus, tu le vois vraiment. Ouais, tu le vois. Il y a quelque chose là. D'autres pancartes qui vont ils vont complètement enlever le texte avec le genre, je sais pas si c'est un grattoir ou quoi, pour enlever les lettres qui devaient être autocollées là. Je sais pas comment ça marche, cette affaire-là. Mais tu te retrouves avec une pancarte où il y a absolument rien écrit dessus, ça. Ouais, ça, c'est bizarre. Enlevez-la. Ouais, c'est ça. Enlevez-la. Ou peut-être qu'il y a une raison pour ça. Peut-être que c'est parce que c'est pas les mêmes gens, les mêmes t'sais, employés qui servent à enlever les lettres ou à les changer. Puis c'est d'autres employés qui enlèvent les pancartes de là. Peut-être que le message s'est pas rendu. Peut-être que ça va se faire plus tard. Peut-être qu'ils ont en prévision de plus tard mettre d'autres textes dessus qui veulent pas l'enlever parce que ça va être de la job de plus l'enlever. Ben, en même temps, enlever ça, c'est pas compliqué. Là. Non, c'est des grosses pancartes, des fois de route, mettons, tu sais, je sais pas. Ouais, ça c'est plus. Ça c'est lourd, là. Je pense que même. D'après moi, tu dois. Va être obligé de pas mal de fermer au moins une fois. Ouais. Je sais pas, faut pas que ça tombe. Si ça tombe. Ça pourrait être dangereux. En effet. Ça doit peser. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, sinon, ce qui me dérange, c'est vraiment juste la chose comme ça. C'est comme, au pire, il y a des pancartes que tu vois clairement qu'il y a une erreur dessus. Comme, mettons, il y a une affaire d'Halloween à Trois-Rivières-Ouest, tu sais, au carrefour, là. Ouais. Une affaire d'Halloween, OK? Je sais pas, je passe pas souvent par là, mais... C'est pas grave, il y a une boutique qui est fermée, parce que comme la majorité des boutiques au Carrefour... Ouais, il y a pas grand-chose là. Mais mettons qu'ils ouvrent une boutique d'Halloween une fois par année, tu sais, avant l'Halloween. Et ils ont un camion à l'extérieur du Carrefour avec une grosse banderole imprimée qui a sûrement coûté super cher, une espèce de grosse banderole. C'est marqué « Halloween boutique entrée numéro 4 », mais entrée E-N-T-R-E accent aigu. C'est marqué ça, sa grosse banderole. Ça tente à pas de la lire avant? Genre... Ouais, ouais. Puis ça, c'est que j'imagine, vu que le magasin est seulement ouvert un mois par année, sûrement que ça doit coûter cher de refaire la banderole juste pour une semaine. Fait qu'ils se disent, on va garder la même, même s'il y a une faute dessus. Ça va coûter moins cher. Ou peut-être qu'ils savent même pas, tu sais. Ils l'ont fait faire, non, mais. Non, ouais. Tu sais, personne n'y a dit. Je sais pas. Mais tu sais, moi, je le dis, ces affaires-là. Je le dis à la radio. Peut-être bête un peu. Mais, va donc y dire en pleine face. Ben, c'est ça, je me cache derrière mon micro et mes écouteurs. Appelle-le. Mais moi, ça me dérange ces affaires-là. Puis c'est comme, tu sais, une pancarte, Caroline, ça coûte tellement cher, à surtout de la faire corriger avant, tu sais. Ouais. Des affaires comme ça. Ouais, puis c'est pas long, là. Parce que je comprends, mettons, tu sais, que c'est une loi qui a changé comme sur le campus, ça va, faut que tu fasses de quoi. Tu peux pas refaire 1000 pancartes, c'est normal, ça. Oh, ouais, non, mais écoute, le propriétaire est un peu à blâmer pour ça. Ouais. Mais la compagnie aussi qui le fait. Ouais, c'est ça. Ceux qui font imprimer l'affaire, eux autres aussi pourraient ça, peut-être. C'est pas la première fois qu'ils vont ça. Mais par contre, ça m'amène sur un point, tu sais, mettons une pub dans le journal. Mettons, tu sais, le Zone Campus, on s'entend que, tu sais, le Zone Campus, c'est fou, tu sais. On s'entend, c'est fou, Zone Campus, groupe des médias étudiants. Si, mettons, un client nous envoie une pub avec des fautes dedans. Ben, idéalement, il faut la corriger. Faudrait la corriger, mais tu sais, s'il n'est pas modifiable, puis que la personne ne répond pas, ben, c'est leur problème, non? Ouais. La ligne est comme ça. C'est du cas par cas. Non. Okay. Pas à date, en tout cas. Non. T'as déjà vu des autocopeurs? Non, j'ai pas. Ben, peut-être. Ouais, peut-être une fois ou deux. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais ouais. En tout cas. Ah. Là, j'en vois pas, là. Ouais. Ça me tentait de chialer, puis c'est ce que j'ai fait. Hein. Bon. Les fautes d'orthographe sur des affaires publiques. On n'en veut pas. Des grosses affaires. Tu sais, quelque chose qui n'a pas. Mettons, tu sais, un journal. Mettons le journal en tant que tel, tu sais. Mettons qu'il y avait une faute dans un texte, tu sais, quelque chose qui passerait par. Par à côté de la du correcteur. Mettons, ça pourrait arriver. Mais c'est. Ça arrive. Ça arrive dans le Journal de Montréal. Ça arrive plus souvent dans le Journal de Montréal. Ouais, c'est ça. c'est le pire, pas mal. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans le Valais Souci, des fois. Là... Ouais. Tu sais, ça, c'est un quotidien. Puis les journaux, tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup de textes. Oh, il y a beaucoup de textes. Mais une pancarte ou une banderole, tu as deux, trois mots dessus. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, ok, ça. Bon. Ça fait bien des fois. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas chialé en nombre. Ouais. On voit bien ça. Ouais, ça valait la peine d'attendre, hein? Non. J'ai mis la barre haute, là, tu pensais que ça serait une bonne chronique, finalement, c'est une pas bonne chronique. Non, c'est pas super. Ouais. T'es pompé. T'es pompé, toi aussi. Merci. Je te renvoie le compliment. Est-ce que t'as envie d'aller entendre une pièce que tu m'as suggérée, François? Ben oui, certainement. C'est quoi? Certainement. On va aller entendre le groupe Octopus Project. Tu te rappelles, en fait, on avait entendu avec Simon, avec la térébine? La térémine. L'affaire avec les mains qui font des ondes de musique. Là. On avait la pièce qu'on avait entendue. Attends un petit peu, là. Bon, pourquoi ça marche plus, là? On avait entendu un petit peu Music is Happiness, s'il me semble bien. Mais là, on va aller entendre The Adjuster. C'est très bon, ouais, c'est très bon. C'est très bon? C'est instrumental, ça chante pas? Vous allez voir, là, vous allez en vouloir plus. Vous allez tomber en amour. Comme avec Assemblage Rocky. Hein. Sauf pas la chronique tout dans le coin. Ça me tentait de sortir un bon vieux classique de Moussette, c'est la pièce Les Fauves, et que j'aime donc Moussette, c'est excellent, leur album Le Club Alpin est fantastique. Ça date de combien de temps, ça? C'est vieux quand même, c'est ça, je cherchais, il n'y a pas d'année dessus, à ce que je vois. À moins qu'elle vienne de cacher quelque part dans un ticket de temps, 2010. Oh, c'est pas si loin. Non, c'était pas si bien caché non plus. Si vous voulez le cacher, c'est raté. Voilà pour... avant, il y avait Octopus Project aussi. Oui, avec la pièce The Adjuster. Très bon bloc, ça fitait bien ensemble. Ouais. C'est la fin de la première heure, comme je disais. On se retrouve tantôt. On va dérouler le tapis rouge. Là. On s'est commandé un tapis rouge là, qui vient d'arriver. Là. On va se balancer ça en avant de la porte. Là. Ouais. Puis après ça, on va le ramasser. Parce qu'il est juste à nous autres. Hein? Ouais, c'est ça. Bon. Donc, Myriam Fugère s'en vient avec sa chronique aléatoire, genre culturel aléatoire, dépendant des semaines. C'est tout à l'heure à 8h. Et puis, il y a le Martel temps. Ouais, vers les 8h30. Yann Martel! Yes, sir! Va vous marteler l'information dans le cerveau! Marteler! Eh, c'est pas pire, ça! Marteler des. C'est comme des pièces de monnaie, tu peux pas comme. Des yens! Ouais, des yens! Des yens? C'est la pièce de monnaie chinoise ou. Ah, yen martelé! Yen, yen martelé! Des yens! C'est carré, ça! On va y en parler, ouais! D'après moi, tu vas y dans ça! Ouais, je pense. Je cherche un nom pour sa chronique, ouais. Là, un. Hey! Vous êtes assez fous! Pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa! Makes me wanna smoke crack. Deuxième heure d'assemblage requis en ce mercredi 19 octobre 2011, 7h59, presque 8h, et moi c'est Mathieu Plante. Et moi c'est François-Olivier. Oui, c'est comme ça. On dirait que tu bailles quand tu dis ton nom, là. François-Olivier. Oh. Bon, Myriam s'en vient tantôt avec sa superbe chronique aléatoire, mais pour l'instant on écoute The Kooks, c'est Is It Me. Ça c'est fou. 89.1 FM. Hey Mathieu, ça se peut que je m'absente. Deux petites minutes. Pas plus que ça, pas je te plus check. Que ça. Is it me? Is it you?

Peripheral Visionaries, dit avec une voix moins nasillarde, ça serait pas mal plus intéressant comme titre de chanson. Excuse-moi, encore une fois, hein. Vas-y. Arrête de rabaisser ta voix. Mais quand elle sort du nez, Peripheral Visionaries. Ouais, mais tu sais, écoute la mienne. Ouais. On viendra, on sera pas de menterie, là. La voix que vous entendez là, la si jolie voix. Hey, qui a une si belle voix d'habitude, elle vient de gâcher ça là, pour tout le monde. Là. Oh. Quand même. C'est Myriam Fugère, voici sa chronique aléatoire. J'ai trouvé cette semaine, évidemment, je finis tout le temps par trouver un petit nom spécial à ma chronique. Ouais. Là. Un petit. Fait que là, aujourd'hui, ma chronique s'appelle Petits machins qui ont attiré mon attention pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Okay. Alors voilà. C'est un beau titre. J'allais dire bonjour, camarade, premièrement, hein, parce que tu m'as appelé camarade sur Facebook. Je trouvais ça tellement. Bonjour, collègue, tant qu'à ça. Non, mais je trouve ça cool, camarade, non? Oui, oui. Ben, ça fait officiel, tu sais. Camarade. Aïe, la prochaine fois, tu disais hey, what's up, dude? What's up, dude? Chillio. Donc, Myriam, oui, chronique avec un nom très long, mais qui, je suis sûr, va être super intéressant. Oui, mais tu sais que moi, c'est rare que je fais dans le raccourci. Ouais, t'es une fille qui prend son temps et qui fait des détours, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas. Bon, là, premièrement, j'essaie de trouver la photo de l'objet en question, donc tu patienteras pour savoir ce que c'est en attendant. Ah, okay. Prends ton temps, je viens de le dire, le... t'étais lente. Ah, excuse-moi, c'est pas ça que je veux dire. OK, bon, fait que là... en fait, l'objet en question, c'est pour parfumer, en fait, un espace de travail. Okay. Déjà, j'attire ton attention. Ben oui, moi, le parfum, hein, tu sais. Moi, je passe devant un loche, je capote, là. En fait, je passe proche de m'évanouir. Oui, c'est ça, les yeux te brûlent, puis le nez te fond. C'est dur. Alors, donc, c'est des... on parle de fleurs qui diffusent des odeurs de soie, lavande, jasmin, de camomille ou de bord de mer. T'aurais pas dû commencer par lavande, parce que s'il y a une chose que je déteste dans la vie, c'est bien la lavande. Mais rappelle-toi le bord de mer. Ah, ça c'est bien, oui. Ça, c'est quelque chose. Ou printemps. Ça te rappellerait ta vie de croisière de cet été. Ah là. Oui. Hein? Un beau bord de mer comme J'aime ça. Alors... là où ça pourrait t'intéresser un peu plus, c'est que c'est à connecter dans le port USB de votre ordinateur. Oh, wow! Fait que là, je sais pas comment ça fonctionne. Là, c'est un Glade, branchez-le, mais branchez-le pas au même endroit. Là. En fait, on te met ça dans ton port USB, puis ouais. Ça, je sais pas si ça diffuse avec une petite fan ou si dans le fond, c'est vraiment juste pour pas le déposer à côté de ton ordi. Tu le branches pour que ça s'intègre vraiment à ton espace de travail. Peut-être. Je sais que moi, j'aurais de la misère avec un MacBook Pro, hein, parce que vous savez que les Mac, seulement deux prises USB, hein. Ah, ben là, puis c'est parce que c'est pas comme si ça prenait pas de place. Là. Je ah, sais même pas si t'es capable de rentrer l'autre. Là. Je vais voir. C'est une fleur. Là. C'est... Oh, c'est cute! Oui, oui, c'est vraiment un bouquet. Tout à l'heure, ce que je vous propose, c'est que je le prenne en photo et qu'on le mette sur Facebook. Excellent. Comme ça, vous pourrez voir de quoi ça a l'air. Alors, c'est offert avec 3 recharges pour une utilisation d'environ 2 à 3 mois. Okay. Et pour la modique somme de 9,99 chacun. Et si ça vous intéresse... Ben, vous pouvez aller sur usbflower.com. OK. Alors, c'est à vous de deviner si ça m'a inspiré pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Est-ce que j'ai aimé ou pas? En tout cas. Faites-vous votre propre idée. Wow. Ensuite de ça, j'ai un amplificateur muni de d'une poignée télescopique et qui a des roulettes également. En fait, ça te permet de trimballer ton ampli plus facilement. Et puis, tu peux y brancher ton iPhone, ton iPod. Tu peux brancher ta guitare aussi. Okay. Ta basse ou ton ukulélé, tout ce que tu veux brancher finalement dans ton normalement dans un amplificateur. Mm-hmm. Donc, tu peux écouter ta musique. Ça s'appelle le bloc Rocker. Ça possède une batterie rechargeable qui a une autonomie de 72 heures. Donc, c'est pas pire quand même. Tu peux la trimballer pendant 72 heures. C'est là, on sera pas fou, là. Pas le temps en masse. C'était pas ça que je voulais dire, là, mais tu peux la trimballer en tournée, puis faire ton rock jet set. Ouais, tu pourrais mettre ça dans... Avec ta petite poignée. Ouais, à l'arrière de ta Corsica, là. Puis François a pas suivi l'histoire du tout, fait qu'il sait pas du tout de quoi on parle. J'ai non, mais une Corsica, c'est cool. C'est quoi une Corsica? C'est voiture, sa nouvelle voiture. Ah, c'est ta nouvelle voiture? Ouais, qui fait du bruit, entre guillemets, ah, ouais? Que tu peux entendre de très loin. J'entends venir, on aime ça. Elle l'a pas payé cher, là. Non, ça vaut pas ça. Ouais. Ça vaut ça. Ouais, ça vaut au moins ça. Eh bien, il y a également un micro qui est en noir ou en blanc que tu peux mettre dedans. Et encore une fois, la somme est modique, seulement 229,99. Quand même, c'est la valeur de l'auto, François. À peu près. En ce cas, tu demandes ta valeur si tu mets ton ampli dans ta valise. C'est un ampli? Oui, c'est un ampli qui a une poignée, des roulettes. Tu peux la trimballer. Tu branches ton iPhone dedans, toutes tes affaires. Je vais vous montrer encore une fois la photo, si ça vous tente. Je vais la, encore, wow. On peut la mettre celle-là aussi sur Facebook. Ça ressemble à ça. C'est ça garoche combien, ça? Ça garoche un bon 72 heures de temps. De temps. La force de la musique dedans. Ouais, comment ça garoche, on sait pas, mais ça garoche pendant 72 heures. On avec le sait. Des batteries? Ça garoche mal, mais longtemps. Oui, tu as une batterie, mais j'imagine que tu peux le. Tu sais, tu le branches, puis quand t'en as besoin. Cool, en tout cas, moi, je trouve ça bien hot. Ouais, c'est pas tu le branches vraiment sur le dessus, là, pareil comme si t'avais une base à iPod. Ouais. Mais c'est une méga base. Un super duck. Ouais, le Block Rocker. Block Rocker. Donc, sur le site Ionaudio, Ionaudio.com. Okay. Okay, je vais vous l'appeler, parce que I-O-N Audio, là, en tout cas. Bon, donc, est-ce que. Ben, j'imagine, en fait, que la réponse sera oui. Ah, tu viens de voir le dessus de mon magazine. Je me demandais quel magazine que oh, c'était. Oh non! Hey, est-tu beau? Ben, il est sexy. Hein? C'est Bradley Cooper pour le bénéfice de vos yeux. Donc, vous connaissez sans doute le groupe Buddy McNeil and the Magic Mirrors. Oui, c'était sur le palmarès anglophone, ça. Ben ouais, voilà. Ça, c'est fou. On les avait eus en entrevue. Oui. C'était une entrevue mémorable. En tout cas, donc, ils sont venus en spectacle à Shawinigan, en fait, cet été. Puis bon, ils sont dans le palmarès. Vous les avez eus en entrevue. Eh bien, le fait est que je suis tombée sur une de leurs vidéos, qui est la vidéo de la chanson « Help Me Mama », qui est, en fait, vous devriez vraiment aller voir ça parce que tout au long du clip, moi, ça m'a vraiment rendue heureuse. On voit des gens qui ont des styles vraiment différents, qui sont dans des décors qui sont inusités et qui sautent sur un matelas. Tout au long, tout ce que tu vois, c'est des gens qui sautent, qui ont l'air très heureux sur un matelas. Et puis... On est toujours très heureux sur un matelas, de toute façon, mais particulièrement... Oui, à moins que tu aies un sommeil agité, là, puis que tu fasses des cauchemars. Mm-hmm. Sinon, mais c'est parce que c'est tellement... Tu sais, quand on voit un matelas, on a tout le temps envie un peu de sauter dessus. Tu sais, on se retient parce qu'on se dit, bon, là... On est mature, on est au-dessus de ça. Vieux, là, ben oui. Bon, je sauterai pas sur un matelas. Mais on a tout un petit désir caché de sauter dessus. Donc, eux, ils se laissent vraiment aller. Donc, c'est très divertissant, comme je vous disais, puis ça donne envie de danser, nous aussi. Mais ne serait-ce que pas sur un matelas, là, tu sais, de sautiller. Ça nous donne envie de sauter. Donc, je vous conseille d'aller voir ça. C'est « Help Me Mama » de Buddy McNeil and the Magic Mirrors. Mirrors en anglais, là, j'ai bien de la misère avec ça. Mirrors. Enfin bref, hier, je suis allée au cinéma. Et puis, moi, je dois avouer que la partie que je préfère quand je vais au cinéma, c'est les bandes-annonces. J'adore découvrir les films s'en viennent. Je déteste être en retard pour les bandes-annonces. Moi, ce que je déteste des bandes-annonces, la seule affaire que j'aime pas, c'est qu'ils me disent des punchs dedans. T'sais. Des fois, arrive. Là, tu vois des scènes importantes. Comment on te montre pas ça? Oui, puis quand tu vas voir le film, tu te rends compte qu'ils t'ont vraiment tout mis dans la bande-annonce. Ils te disent pas dans la bande-annonce, tu penses que c'est dans le milieu, mais. Ouais. Tu te dis, voyons, ouais, si ça c'est le punch, mais là il va avoir. Tu sais, si ça c'est pas le punch doit être immense. Mais là, finalement, tu sais que c'est l'autre qui meurt, puis que l'autre a enlevé la mère de. Hey, tu viens de me briser le punch d'un film que tu m'as pas nommé avant. Non, c'est pas ça. En tout cas, donc, alors voilà. Et puis, hier, en allant au cinéma, j'ai été particulièrement attirée par la bande-annonce du film The Artist. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est en fait une comédie romantique qui... Non, je savais. Attends pour la suite. Les deux, hein? Ils me regardent en me disant, tu me parles vraiment d'une comédie romantique. Mais c'est très cool, en fait. C'est de Michel Hazanavicius. Avec... Oblige-moi pas à répéter. Du coup, je vais vous avoir dit les acteurs. Vous allez facilement retrouver ce film-là sur Internet. Donc, c'est avec Jean Dujardin, Bénéris Bégeau et John Goodman. En fait, c'est ce qui est le plus génial là-dedans, c'est que c'est un film muet. Hein? C'est ça qui est cool là-dedans. Une comédie romantique. Fait que la fatigante à Stel, c'est ça que vous comprenez? Ah, c'est ça, il n'y a pas de dialogue plate, le genre super long et redondant. Non, tu sais, ça se fait dans un regard, puis t'as compris, là, mettons. Cool. Fait que c'est ça. C'est donc, très court comme film. C'est muet, non. Il y a plein de rebondissements, là, apparemment, là, ça a l'air bien bon. Ça rebondit le regard. Donc, en fait, c'est ça, c'est un film muet, c'est tourné en noir et blanc, puis c'est vraiment à la façon là, d'un classique de l'époque, là. Et puis, bon, c'est pas, mettons, des années 2000 où. t'as le gars qui est habillé en année 2000. Là. T'sais, t'as vraiment là, les vieux costumes. Okay, ah, c'est cool. Ça se passe à la fin des années 20. Ça sortira pas en cinéma pour vrai. Là. Oui. Ah, mais ça, c'est le genre de film de répertoire que... Il y a personne qui va aller voir ça au cinéma, pour vrai. Moi? Oui, non, mais oui, mais on est un public très, très, très, très sélect, mettons, qui va aller voir ça au cinéma. Ah non, moi, je suis sûre qu'il y a du monde qui va y aller. Je prévois un flop total d'amant. Bon, en tout cas, ben moi, je suis optimiste, puis j'espère que ça va fonctionner, parce que ça a l'air trop bon. En fait, l'histoire se déroule à Hollywood à la fin des années 20, et puis c'est Georges Valentin qui est une vedette. Oh. Puis là, je sais pas à quel moment on sait son nom, à part sur une affiche, mettons. Là. En tout cas, Georges... Il écrit pas du texte comme dans les vieux films. Il y avait tout un texte, genre... Qui... Ah, mais pas dans la bande-annonce, là, mais c'est sûr que ce serait intéressant s'il y en avait un. Des petits cartons, genre. Ouais. Ouais, pourquoi pas, entre les scènes. Hein? Ben oui! Ah, oh, ça serait trop beau. Donc, Georges Valentin, c'est une vedette du cinéma muet qui à qui tout sourit. Vraiment, il y a un beau, bel avenir devant lui, une carrière brillante. Et puis, à l'arrivée des films parlants, ça vient perturber sérieusement, en fait, sa carrière. Et puis, ça permettra à une jeune figurante d'accéder à la gloire. Donc, la célébrité, la richesse vont toutefois faire tanguer leur histoire d'amour. Oh, ouais. On soutient un regard de suspense ici. Alors, voilà. C'est ce qui conclut pour ce film-là, mais c'est pas ce qui conclut ma chronique, là, par exemple. C'est quoi le titre du film, juste ça? L'artiste. L'artiste, simple de même. Ouais, l'artiste. Parfait. Avec un gros L rouge. Et un A majuscule, j'imagine. Ouais, voilà. Parce que c'est comme un Dieu. Ouais, c'est comme Dieu. C'est comme Dieu. C'est comme Dieu, voilà. Rien de moins. Bon. C'est réglé. Et il te reste d'autres choses à dire? Oui, ben oui, attends, j'ai pas fini, il me reste trois pages. Non, c'est pas vrai. Donc, en fait, là, je veux vous donner un conseil si vous aimez pas. Parce que, tu sais, il y a tout le temps, on a toujours eu un emploi qui nous plaisait un petit peu moins. Mm-hmm. Alors, si actuellement, vous aimez pas votre emploi, et puis que vous en pouvez plus de votre patron, puis vous avez peut-être une petite tendance théâtrale, là, parce que on s'est entendu que ça prend du guts pour faire ce dont je vous parle. Donc, j'ai vraiment une vidéo à vous proposer qui va vous inspirer dans votre façon de remettre votre démission. En fait, il s'agit de ce type qui se pointe au travail avec une mini-fanfare pour partir en beauté après avoir donné la lettre de démission à son patron. Alors... On va vous faire écouter un extrait parce que c'est très drôle. On écoute ça. C'est parce qu'il quitte longtemps, là. Ouais, ouais. Ah, le bonhomme, il doit être fâché, là. C'est ça. Mais juste quand il les a vus, tu sais, il arrive dans le backstore, si tu veux, parce que je pense qu'il travaille dans un hôtel, je sais pas quoi. Il arrive en arrière, puis il voit ça, là, tu sais, dans le local des employés, il y a une fanfare, là. Il dit, ben, qu'est-ce que vous faites là, allez-vous-en, tu sais. Puis l'autre, il dit, tu sais, puis c'est parce qu'il donne pas la lettre, là, il est vraiment baveux, là. Il donne pas la lettre dans les mains. Il pitch la lettre, puis il dit, I just want to tell you that I'm quitting. Puis là, poum, poum, poum. Passe, le gars, il s'entend plus passer. Là, il est comme talent. Puis le boss fait comme là, c'est parce que tu nuis à la productivité de mes autres employés qui, eux, ne démissionnent pas. Là. Mais oui, parce que je pense que c'est d'autres employés. Là, qui, parce qu'il y avait l'air de gens qui étaient déjà là. Okay. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas leur kit encore. Là. Mais en tout cas, ils trouvent ça très drôle. Puis ils suivent un peu là, dans son affaire. Ouais, là. Peut-être qu'ils vont s'en aller aux autres aussi. Peut-être que ça pourrait faire un effet d'entraînement. Tout le monde démissionne en même temps. Tout le monde part. Puis on part avec nos bâtons de majorette. Là, ouais. Ce serait génial. Ah, oh boy. Super. Ensuite de ça, j'ai découvert un nouvel objet plutôt esthétique. En fait, c'est les Rainbow Watch. Rainbow Watch. Les Rainbow Watch. C'est une montre arc-en-ciel. Oui, voilà. Ouais. Ils sont vraiment chouettes. Alors, je vous donne 5 raisons de les acheter. Attention. Donc, les cadrans et les bracelets sont interchangeables. Alors, si tu en achètes 9, mais tu peux faire plein de couleurs. Puis là, c'est parce qu'il y a 9 couleurs à la base. Là, je viens de péter une autre raison. Là, attends, je vais vous la dire tout de suite. Donc, en fait, il y a 9 couleurs, pardon. Donc, vous pouvez faire des combinaisons avec ça. Mais c'est que une montre vient avec juste une façade, un bracelet, c'est ça? Donc, c'est ça que j'ai trouvé 9, dommage. Tu devrais pouvoir acheter des carcasses à part, là? Ben voilà. Moi, c'est ça que je pensais au début. Parce que je suis allée voir sur le site Internet qui est... C'est quoi le site? Je veux les voir. C'est une excellente question. Je ne l'ai même pas noté. Oh! Mais elle va voir ça, le Rainbow Watch sur Google. C'est super facile à trouver. Puis, tu peux faire des combinaisons, justement. Fait que, comme étant donné que le site nous proposait de faire nos propres combinaisons, je me suis dit, j'imagine qu'on peut vraiment la commander sur mesure, si vous voulez. Sauf que non, en fait, si tu veux une montre mauve et blanche, il faut que tu achètes la mauve, puis que tu achètes la blanche, puis que... Ridicule. tu décides. Ouais, c'est ça qui est plate dans le concept. Et comment ça vaut, le monde? Mais c'est 25 et 50. Ah, c'est pas cher. Canadien? Je pense que oui. Il me semble que oui. Parce que, tu sais, on va se le dire, j'ai vu ça dans le Châtelaine. Fait que. Ah, oh, des bonnes sources, madame. Hey! Traite pas maman de petite matante. Ben, c'est toi, la matante? C'est toi qui l'as dit? Ouais, mais c'est elle qui est abonnée. Ouais, mais yeah. ça, c'est correct. J'ai beaucoup de respect pour ta mère. Bon, OK, c'est beau, là. On va arrêter de me traiter de petite matante. Je vais continuer avec mes enfants vraiment nice, là. Fait que. Invite ta mère à faire des chroniques à ta place. Ouais. Ouais, hey, je pense que oui. Ça serait peut-être plus intéressant. Hey. En passant, je tiens à dire que j'avais pas de tapis rouge. On parle de mauvaise représentation ici. Ouais, on avait promis ça, c'était pour Yann Martel. Non, vous l'avez clairement dit que c'était pour moi. Non. Enfin, bref. Tu peux acheter des packages, hein? 9 couleurs, 170. Oui, je pense que c'est 3, 5 ou 9 que tu peux acheter. Ouais, ça. Mais c'est, en fait, c'est ça. C'est-tu l'équivalent du prix de les acheter 9 à part ou tu sauves 5 piastres, hein? Ben, 9 fois 25. Ah ouais, Matt. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Tu mets au défi. Oh, non, tu sauves. Je vais calculer 8, ça fait 200. Ça fait 225, 9 fois 25. Ouais, c'est ouais. Ça. C'est combien le kit? 170. C'est pas pire. Moins 170, tu économises 55$. Ah, c'est génial. Un calcul mental. Ah, oh, mais shipping. En hein? Plus, le shipping. Ouais, mais peut-être qu'après 75$, c'est gratuit. Ah, mais c'est pas Amazon. Mais c'est ça. Pas 75$. Relax. C'était... À moins que ça devait être écrit. En tout cas, chez Aldo, c'est le même. Ah. En tout cas. Oh. Ben, donc, en troisième position, troisième raison d'acheter les Rainbow Watch, c'est qu'elles sont faites en silicone, donc elles sont très résistantes. Ça... Mais là, putain que je veux une montre en silicone. François, oui, hein? Hey, le déplaisant. Ça irrite moins, tu sauras. On aimait ça quand il était deux minutes absent, hein, finalement. On était obligé de tout y expliquer en revenant, sauf qu'on aimait mieux ça. OK, je mettais, je vous écoute. Et puis la quatrième raison, ben, c'est parce que c'est pas cher, là, c'est 25 et 50. En tout cas, fait que un petit fait intéressant. Il y en avait pas 5, il y en avait 4. Quoi? Des raisons. C'est parce qu'elle en a combiné deux ensemble. Eh hey, ouais, c'est vrai, j'ai oublié une raison. T'as peur? Check dans le Châtelaine. Non, mais c'est quoi? C'est parce qu'elle n'a pas écrit. Je ne l'ai pas apporté, mon Châtelaine, gars, tu vois. Ça me prendrait ma revue de ma tante. T'as amené le premier parce qu'il y avait Bradley Cooper, sa couverture. Hein, moi, j'y suis particulièrement attachée. Non, mais c'est parce que je voulais vous montrer les petites prises USB LED. Ouais. Oh. Whoops. Non, ça. Oh, Flore, viens dire ton opinion. J'ai dit le punch, j'ai mis mon opinion dessus. Hey, tabarouette. Donc, en fait, un petit fait intéressant. Sachez que seulement 4% des Canadiens vont suivre les indications de leur médecin quant au dentiste, tant qu'au brossage des dents. Oui. Au passage du fil dentaire à l'utilisation du rince-bouche. Oui. Je trouvais ça vraiment bizarre. Combien de pourcentage? 4%. Non, ouais, mais c'est sûr. Ouais. Les autres, là, les entendre parler, tu manges une pomme, faut-tu te brosser des dents? Ben, c'est ça, c'est parce qu'à entendre parler ton docteur, ton chiro, faudrait ta vie serait basée sur chaque affaire que t'as à prendre soin de ta santé. Mais ce qui est fou, là, c'est que on s'entend-tu que passer la soie dentaire, c'est vraiment long? Oui. Fait que là, si à chaque fois, mettons, bon, faut-tu te brosser les dents 3 fois par jour. Mm-hmm. Fait que 3 fois par jour, tu te brosses les dents. 3 fois par jour, tu passes la soie dentaire. C'est une bonne minute, là, la soie dentaire. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. J'ai l'impression que si quelqu'un qui se brosse les dents 3 fois par jour, il se passe la soie dentaire, nanana, ce truc-là, il va plus hériter ses dents que d'autres choses. Mm-hmm. Parce que en fait, là, tu sais, le corps est quand même bien fait. Et puis, tu dégages quand même pas des anticorps, là, mais tu sais, des sais pas. Fait qu'on aseptiserait trop notre bouche, quoi. Ouais, je pense que oui, en fait. Les mains aussi. Les mains, si souvent, tu... le purel. On n'avait pas ça dans le temps. Puis, on se portait bien. Nous, les gens vivaient quand même. Mais les gens, maintenant, il y a beaucoup plus d'allergies, beaucoup plus de rhumes, de maladies, tout ça. Est-ce que c'est parce que les gens se sont trop protégés puis il n'y a plus de défense envers ça? Mais moi, je pense que oui. Ouais. Tu sais, au même titre que dès qu'un enfant se met une poignée de sable dans la bouche, on le tasse. Puis on mange du sable. Moi, je l'ai mangé. Oh, ouais, moi aussi. Pas plus folle. Ben non, ton déjeuner, c'était ça. Tu me regardes de moi en me disant, ouais, pas plus folle, pas sûr. Ouais, tu sais. Hein? C'est toi qui l'as dit, hein, moi. Lille Châtelain. Bon, fait que pour terminer, un produit que vous devriez aimer, là. Moi, ça, je trouve ça très chouette. C'est en fait les produits Nenda Home. L'idée, c'est de réinventer un produit qu'on utilise à tous les jours, un objet qui est ennuyeux et qui va devenir vraiment funky au passage de Nenda Home. Je capote. François, il a vraiment hâte de connaître la suite. Vas-y. J'adore ton enthousiasme. Alors, en fait, on ajoute une intelligence, une personnalité ou un sens de l'humour à un objet. Donc, le produit qu'on a recréé, en fait, c'est celui qui vous a réveillé ce matin. Qui, en fait, une espèce de boîte noire LED plate qui est carrée, désuète et qui sonne vraiment poche. J'espère que tu parles pas de la radio. Ben non. Réveil matin. Ben non, je vous parle de votre réveil matin. Le réveil matin qui fait bip, bip, oui. Bip, bip, bip. Non, mais là, votre Gugus va faire bip bip, là, en tout cas selon ce que j'ai vu dans le démo. Ça fait bip bip encore, sauf qu'on le fait, mettons, rond, à roulette, coloré. Fait que là, tu. Mettons là, que ton cadran sonne, ben il roule. Fait que là, il sort. Non. Et... Faut que tu cours après. Ouais, je serais peut-être pas content, moi, de courir après. Mais tu te réveillerais ouais, plus, parce que sinon, le snooze, là. C'est ça? Eh non, mais cours après, là, il pogne en dessous de ton lit, là, en deux pattes, là, faut que tu te penches, puis non, non, non. Ça fait pas ta gymnastique non. le matin. Non, pourquoi non. pas? Non. C'est comme le gars dans l'intro qui se pèterait le pied gauche. Ah non, non, je deviendrais mauvais. Puis là, tu sais, pour vous ajouter là, vraiment une touche de romantisme à tout ça, ben dans la vidéo de présentation, tu vois deux personnes, un gars puis une fille, bon... qui courent chacun après leur modèle différent. Oui, ils finissent par se trouver avec le modèle. Oh non, ils s'embrassent pas, là. Mais ils chillent en avant de la Tour Eiffel. Et ils se regardent en voulant dire « Hey, on s'est trouvés! » C'est ça. Je vais prendre le film muet, moi, finalement. C'est beau, hein? Au moins, t'entends pas le bip-bip du genre. Donc, en fait, il y a trois catégories de prix. Un à 8 $, un à 45 et un à 69. Donc, vous pouvez choisir entre le clocky, le talky et le tint. Donc, consulter le site. Lequel tu prendrais, toi? Je pense que je prendrais le c'est le Toki qui est à 45 $. Même pas le plus cher. C'est une ah non, c'est non, 69, c'est le plus cher, celle-là. Ah, t'as les goûts de luxe? C'est une, non, mais c'est parce que c'est une boule, là, celle-là, il fait vraiment boum, boum, boum, boum. Alors que l'autre, il y a des roulettes, là, les, il vit sa vie avec ses deux roues, là. Tandis que la boule, elle fait boum, boum, boum. Oui, la boule, elle est plus chubby, c'est plus drôle. Ah, je la verrais partir. Ouais. J'avais reparti puis je t'ai cogné. Hein. Oui, je me suis cogné, je m'excuse. Hey, je m'excuse là vous deux là, avec du monde qui se cogne de même là, une fois par année à un moment donné, parce qu'il y a personne qui se lève à 7h pour écouter l'assemblage Ricky, on s'entend là-dessus. Personne qui se lève à 7h, le début de l'émission on le fait pour rien. Fait que à un moment donné la petite intro là, personne l'entend. Yes. C'est ça qui se cogne. Hein? C'est bien. Non, c'est pas. Ah non, c'est pas. Ça, c'est Danny. Janvier. Ça, c'est mon char. Ouais. Oh, ouais. En tout cas, le mien, il fait pas ça. Oh. T'as baissé ton prix? Avant son auto en ligne. Pour moi, là, elle me le vendait 500 de plus. 500 de plus? Hey, non, c'est du quoi? Non, non. Me se tromper. C'est vrai, j'ai regardé mon annonce. Ben, tu sais, t'aurais pu le mélanger. T'aurais pu négocier, ben, oui. là. J'aurais pu donner 500 de plus. Galet. Il a même pas essayé de négocier en plus. Ah non, mais. Non, mais je comprends, là. Je comprends. Si tu t'es trouvé un bazou bien mieux, là. Non, c'est pas bien mieux, je pense pas. Mais je pense pas que t'aurais voulu négocier avec le budget que j'avais. Ben, je voulais pas te faire perdre ton temps. Oh, c'est pas grave, en ce moment, il se promène. Fait que là, ça se peut que vous le trouviez. Je l'ai prêté à quelqu'un. Ah. Il se balade. Tu l'as loué ou? Je fais. Mais non, là, parce que c'est un service familial, là. Ah, ben, t'aurais pu me le prêter. Ben, t'avais juste à faire partie de ma famille, là. Ouais. Ils ont des contacts branchés, c'est pour ça. Ils ont des contacts branchés, comme les fleurs à la lavande dans votre port USB. Alors, je les prends en photo, puis Mathieu vous met ça sur Facebook. Oui, tu m'envoies tous les liens de toutes les compagnies. Ah, c'est quoi la dernière? Linda Home, là, c'est quoi? Comment ça s'appelle Linda Home, Linda? Ouais, c'est clocky.net. Parfait. C-L-O-C-K-Y.net. Merveilleux. Clocky. Super. Voilà. Fait qu'à la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Passe une excellente semaine. Puis, Mais la semaine prochaine, hein, c'est la semaine de relâche. Fait que si tu veux prendre une petite semaine de relâche. Ah ouais, ok, je serai pas là. Bon, ben dans deux semaines. Tu seras pas là. Nous autres, on est là. Si tu veux être là, on est là. Ah, vous allez être là, vous autres. On non, mais allez-vous être là. Hey, ça, c'est chiant. Okay, c'est vraiment, François. Il voulait pas que je vienne. François, il aime pas les chroniqueuses filles. Les chroniqueuses, ça, ils aiment pas. Il niaise Stéphanie, il niaise toi, il niaise Marie-Pierre un petit peu des fois, ça arrive. Ben, je vais tout le temps parler avec toi d'abord. Ok. La semaine prochaine, au grand plaisir de François-Olivier. Bon. On espérera qu'il va oublier sa vignette d'auto à la maison puis qu'il aille qu'il soit obligé de la chercher. Hey, j'ai ton 2 piastres. Ah, c'est ça que t'avais oublié. Ouais. Je le mérite plus bien ben avec ça. Non, mais c'est ça, je vais le garder. Regarde-le. C'est un account pour ton ouais, auto. Ouais, c'est ça. Non, je t'apprêterai pas. Hey, Myriam, qu'est-ce que t'en penses si on finit ta chronique avec un petit peu de Bobby McNeil and Magic Mirrors dont t'as parlé tantôt? Ben, pourquoi pas? On écoute Help Me Mama et puis à la semaine prochaine, Myriam. À la semaine prochaine. Bye. Salut. To run away. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis jusqu'à 9h. On entend quelque chose de complètement nouveau, c'est la formation Pyramids avec deux Y, Pyramids, avec la pièce This That Ain't Right. Et là, parlons un petit peu de Pyramids, pourquoi pas, parce que j'ai reçu un courriel d'OK Go ce matin, je suis abonné à la liste de diffusion d'OK Go. Ben oui, exactement. Et ils parlent du fait qu'ils sont excités par l'arrivée de l'album ou le maxi Human Beings de Pyramids sur l'étiquette Paracadute de OK Go. Et c'est la première fois qu'ils éditent sur Paracadute, leur étiquette, un groupe autre que OK Go. Parce qu'on se rappelle, ils s'étaient séparés de leur ancienne étiquette de disque, une major. Je savais même pas que c'était parti une étiquette de disque. Paracadute, ils avaient fait la réédition de leur album Of the Blue Color of the Sky sur cette étiquette-là. Et donc, ils sortent ça pour la première fois, un groupe autre qu'eux-mêmes. En fait, je pense pas que ça sonne tellement OK Go, mais c'est qu'un des membres d'OK Go dans ce groupe-là, Pyramids, c'est Timothy Northwind, c'est le bassiste et un des chanteurs du groupe, avec Drea Smith, qui est anciennement de la formation de Chicago, He Say She Say, Ils ont commencé à collaborer ensemble via courriel et maintenant leur maxi va sortir bientôt le 31 octobre. Vous pouvez le commander sur vinyle de 10 pouces ou encore par MP3 en ce moment même. Et si vous vous précommandez, vous allez pouvoir télécharger le premier single qu'on vient d'entendre, That Ain't Right, instantanément. Pyramids va faire sa première apparition en direct, en personne, ensemble au CMJ de Manhattan cette semaine. Et voilà, donc si vous voulez les détails, c'est sur okgo.net. Il y a d'autres projets qui s'en viennent pour OKGO. Là, présentement, ils sont en pause de spectacle, etc. Mais il y a d'autres membres qui font des trucs. Entre autres, Dan, un des membres du groupe qui est rendu fou de remix. Donc, on va sûrement pouvoir écouter quelques-uns des remix prochainement dans Assemblage Requis. J'ai bien hâte d'entendre ça. Formidable. Voilà, donc la formation, c'est Pyramids qu'on a entendu tantôt avec deux Y. P-Y-Y, Remids. Voilà. C'est toujours Assemblage Requis. Nous reste 20 minutes ensemble environ. On va retourner en musique tout de suite à l'entendre Bravo Funken et leur extrait Cœur Rubé qui est sur la palmarès francophone. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bon. C'est très bon. Oui, on va aller entendre ça. Si tu le dis, si tu le dis, si tu le dis. C'est quoi? Celui qui dit, celui qui l'est? Ouais. Je te tiens par la barbichette. On fait ça pendant toute la chanson? Ah ouais, non. Bon, on pourrait passer long. Avance, avance. Tu te tenais d'autre chose? Ouais. Non, Mathieu. Mon corps, c'est mon corps. Ouais. Ma fête, je fais quand même un vœu. J'aimerais tellement être la mèche du milieu, la tresse dans tes cheveux. Je glisse sur tes cils pour voir dans tes yeux les couleurs de ton bleu. Tu bats des paupières, ça m'envoie en l'air. J'aimerais qu'on Funken et la pièce Cœur Rubik. Moi, en tout cas, je me tanne jamais de cette chanson-là. Même chose pour leur boîte à savon, là. Leurs deux pièces. Ouais, ouais, boîte à savon, très bonne pièce. Peut-être qu'on va se découvrir quelque chose dont on ne pourra plus se passer bientôt. Peut-être. Voici le poste d'écoute. Le poste d'écoute de C'est fou, évidemment, c'est l'endroit dans l'émission Assemblage Requis où on écoute un CD qu'on a reçu récemment dans notre discothèque. Et on écoute plusieurs pièces, les premières, un peu comme dans un poste d'écoute, hein. C'est pas une merveilleuse idée, ça, François? Mm-hmm. Convaincu, hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Aujourd'hui, on va entendre la formation Propofol. Propofol, si le mot te disait peut-être quelque chose, François, est-ce que c'est le cas, non? C'est pas un médicament, Propofol, ouais. Michael Jackson, ouais. Est mort exact. Avec ça. Exactement, ouais. Wow. T'es dans mes hot. T'as de l'air surpris. Non, non. T'es hot, t'es un coconut. T'es un coconut. T'es un coconut. Un coconut, c'est hot, ça. Ben, en effet, Trois-Rivières Ouest. Ouais, merci. Ouais. Point de quoi, hein? Ouais, donc, Propofol, en effet, médicament qui a tué peut-être, en tout cas, c'est ce que ça dit dans les... Un des médicaments. Ça avait l'air d'être un cocktail assez dangereux. Assez. Donc, on va entendre les premières pièces, on va voir combien on en écoute, dépendant si on aime ça ou pas. On commence par la pièce qui ouvre l'album, ou leur maxi, parce qu'il y a seulement 4 pièces. Voici à l'instant Fibre Optique dans le poste d'écoute de C'est Fou. C'est Propofol. Des quatre pièces du maxi de Propofol. Ça, c'était Le Chêne. Avant, entendu, il pleut. On débutait avec Fibre Optique. Il nous resterait la pièce Hey Hey Hey. Hey Hey Hey. Hey Hey Hey, qu'on n'a pas entendu. Peut-être bon, sûrement. Moi, j'ai bien aimé. Au pire, on pourrait se quitter là-dessus. On pourrait se quitter là-dessus à la fin de l'émission. Tu parles d'une bonne idée, toi. Ouais. T'es un génie. Ça m'arrive. Ben, ça arrive. Parlons donc un petit peu de Propofol. Autre que être le médicament qui a potentiellement tué Michael Jackson, c'est aussi un groupe avec à la basse et la voix Marianne Arsenault, au clavier à la voix Han Fong et batterie Jonathan Gagné. Allez voir sur myspace.com/propofolmusique ou encore facebook.com/propofolmusique. Propofol, c'est P-R-O-P-O-F-O-L. J'ai toujours envie de dire Profolol. Profolol. Quand je dis non. Mais c'est mêlant. Tu tapes ça sur Google puis oublie ça. C'est hey, tu trouves rien. Michael Jackson, médicaments, pop. Même sur Wikipédia, des affaires comme ça, non, c'est pas évident à trouver. C'est pas très gagnant. Mais bon, quand même, beau nom. C'est joli. C'est joli. Un groupe d'électro-rock, oui, de Montréal, Québec. Lisons un petit peu rapidement leur biographie. Montréal 2009, Jonathan Gagné et Marianne Arsenault sont dans divers projets musicaux depuis longtemps. Ayant une direction musicale et une énergie similaire, les deux acolytes en viennent rapidement à vouloir développer leurs affinités. Ils veulent composer, écrire et mener leur propre barque. Grâce à leur expérience, ils savent exactement la direction et le son qu'ils veulent donner à leur projet du pop rock électro en français, en mettant l'accent sur les textures sonores des claviers. Lui à la batterie, elle à la voix et à la basse, ils ont rapidement trouvé une formule qui déménage et leur ressemble. Après une année à composer et à se perfectionner en informatique, ils trouvent le troisième membre qui leur permet de passer du salon à la scène. C'est donc Anne Fong. Musicienne aguerrie, sa fougue et son énergie complètent parfaitement le trio. C'est long des fois ces bios-là. Hein? Originaire de Vancouver, ses couleurs apportent au jeu de clavier et au cœur un accent unique. Ses quelques ponctuations à la flûte traversière donnent également un souffle particulier au genre développé par Propofol. Près d'une dizaine de spectacles en quelques mois, 3 vidéos live en ligne et un vidéoclip. La formation fait déjà parler d'elle. Ils ont été nommés Révélation Pop Rock du MEC 2011. Ils se démarquent en spectacle par une complicité et une énergie sans retenue. Et Propofol propose des rafales de sons et de textures électroniques. C'est leur premier maxi éponyme qui est sorti à la fin du mois d'août. On vient juste de recevoir ici, assez fou. Donc c'est pour ça qu'on vous fait jouer là. 4 titres sur cet album de Propofol. C'est très bon. J'ai dit comme faux, ça. C'est ouais. Propofol. MySpace.com/Propofol Music ou Facebook.com/Propofol Music. Voilà pour le poste d'écoute et voilà pour Assemblage requis aussi. On se quitte là-dessus, François. Oui, certainement. Demain à l'émission, qu'est-ce qu'on a, Mathieu? À 8h, on a la présence de Simon Fitzbé, sa chronique Phénomène, et nous dévoile l'histoire derrière quelque chose dans la musique. OK, formidable. Ouais. Et à 8h30, on reçoit François Landry qui nous parle de politique. Oui, comme toujours. Comme jeudi. On va sûrement avoir la chronique Saint-Smith, ça devrait répondre là aussi. Ah, ouais. On est jeudi. On aime ça. Ouais. T'allais dire autre chose? Non. Je souhaite toujours la venue de Denis Coderre, à savoir... En entrevue surprise? Hey, attends un peu. Je pense que c'est François Landry qui est pas là demain. Ah, hey, on cherchait depuis tantôt qui nous avait dit qu'il serait pas là. T'as raison, je viens d'allumer. Parce que là, on disait que c'était sûrement notre ami Yann Martel, parce que c'est pas pointé aujourd'hui. Mais non, finalement, c'est François Landry. Non, c'est ça, c'est vrai. Mais il va être là pendant la relâche. Parfait. Puis Yann Martel, ben on se renseignera sûrement. Oh, oui, c'est ça, exactement. De retour éventuellement. On se quitte comme tu l'avais proposé avec une quatrième et dernière pièce de Propofol. On va écouter Hey, Hey, Hey! Hey, Hey, Hey! Hey, Hey, Hey! Et puis, passez une excellente journée. Restez là pour le dîner de con qui s'en vient à 11h. C'est notre prochaine émission. Et puis, en après. Non, il y a non, SPM de gars. Hey, les gars, SPM de. Hey, Colin, ils commencent là, eux autres. Okay. Là. On se quitte pas avec une pièce, on va se quitter avec une pub finalement parce que sinon, ils n'auront pas le temps de commencer à l'heure. SPM de gars s'en vient. Restez à l'écoute de C'est Fou. Bye. Bye. Do, Colin. Faut qu'il se dépêche pour venir parce que la pub est pas bien longue. Puis moi de fermer mon ordi ici en ce moment.